Le comte de Monte Cristo. Alexandre Dumas. Chapitre 69. Les informations. Monsieur de Villefort tint parole à Madame Danglars et surtout à lui-même, en cherchant à savoir de quelle façon Monsieur le Comte de Monte Cristo avait pu apprendre l'histoire de la maison d'Auteuil. Il écrivit le même jour à un certain Monsieur de Beauville qui, après avoir été autrefois inspecteur des prisons, avait été attaché dans un grade supérieur à la police de sûreté pour avoir les renseignements qu'il désirait. Et celui-ci demanda 2 jours pour savoir, au juste, près de qui l'on pourrait se renseigner. Les 2 jours expirés, M. de Villefort reçut la note suivante. La personne que l'on appelle M. le comte de Monte Cristo est connue particulièrement de Lord Wilmore, riche étranger, que l'on voit quelquefois à Paris et qui s'y trouve en ce moment. Il est connu également de l'abbé Busoni, prêtre sicilien d'une grande réputation en Orient, où il a fait beaucoup de bonnes œuvres. Monsieur de Villefort répondit par un ordre de prendre sur ces 2 étrangers les informations les plus promptes et les plus précises. Le lendemain soir, ces ordres étaient exécutés et voici les renseignements qu'il recevait. L'abbé, qui n'était que pour un mois à Paris, habitait derrière Saint-Sulpice, une petite maison composée d'un seul étage au-dessus d'un rez-de-chaussée. 4 pièces, 2 pièces en haut et 2 pièces en bas, formait tout le logement dont il était l'unique locataire. Les 2 pièces d'en bas se composaient d'une salle à manger avec table, 2 chaises et buffet en noyer, et d'un salon boisé peint en blanc, sans ornement, sans tapis et sans pendule. On voyait que pour lui-même, l'abbé se bornait aux objets de stricte nécessité. Il est vrai que l'abbé habitait de préférence le salon du premier. Ce salon, tout meublé de livres de théologie et de parchemins, au milieu desquels on le voyait s'ensevelir, disait son valet de chambre, pendant des mois entiers, était en réalité moins un salon qu'une bibliothèque. Ce valet regardait les visiteurs au travers d'une sorte de guichet, et lorsque leur figure lui était inconnue ou ne lui plaisait pas, il répondait que M. l'abbé n'était point à Paris, ce dont beaucoup se contentaient, sachant que l'abbé voyageait souvent et restait quelquefois fort longtemps en voyage. Au reste, qu'il fût au logis ou qu'il n'y fût pas, qu'il se trouvât à Paris ou au Caire, l'abbé donnait toujours, et le guichet servait de tour aux aumônes que le valet distribuait incessamment au nom de son maître. L'autre chambre, située près de la bibliothèque, était une chambre à coucher. Un lit sans rideau, 4 fauteuils et un canapé de velours d'Utrecht jaune, formaient avec un prie-dieu tout son ameublement. Quant à Lord Wilmore, il demeurait rue Fontaine-Saint-Georges. C'était un de ces Anglais touristes qui mangent toute leur fortune en voyage. Il lui en garnit l'appartement qu'il habitait dans lequel il venait passer seulement 2 ou 3 heures par jour et où il ne couchait que rarement. Une de ses manies était de ne vouloir pas absolument parler la langue française, qu'il écrivait cependant, assurait-on, avec une assez grande pureté. Le lendemain du jour où ces précieux renseignements étaient parvenus à Monsieur le procureur du roi, un homme qui descendait de voiture au coin de la rue Férou vint frapper à une porte peinte en vert olive et demanda l'abbé Busoni. « Monsieur l'abbé est sorti dès le matin, » répondit le valet. « Je pourrais ne pas me contenter de cette réponse, » dit le visiteur, « car je viens de la part d'une personne pour laquelle on est toujours chez soi. Mais veuillez remettre à l'abbé Busoni. » « Je vous ai déjà dit qu'il n'y était pas, » répéta le valet. « Alors, quand il sera rentré, remettez-lui cette carte et ce papier cacheté, ce soir, à 8 heures. Monsieur l'abbé sera-t-il chez lui ?»« Oh, sans faute, monsieur, à moins que monsieur l'abbé ne travaille, alors c'est comme s'il était sorti. »« Je reviendrai donc ce soir à l'heure convenue, » reprit le visiteur. Et il se retira. En effet, à l'heure indiquée, le même homme revint dans la même voiture, qui qui cette fois, au lieu de s'arrêter au coin de la rue Férou, s'arrêta devant la porte verte. Il frappa, on lui ouvrit et il entra. Au signe de respect dont le valet fut prodigue envers lui, il comprit que sa lettre avait fait l'effet désiré. « Monsieur l'abbé chez lui ? » demanda-t-il. « Oui, il travaille dans sa bibliothèque, mais il attend monsieur, » répondit le serviteur. L'étranger monta un escalier assez rude, et devant une table dont la superficie était inondée de la lumière que concentrait un vaste abat-jour, tandis que le reste de l'appartement était dans l'ombre, il aperçut l'abbé, en habit ecclésiastique, la tête couverte de ces coqueluchons sous lesquels s'ensevelissait le crâne des savants en us du Moyen-Âge. « C'est à M. Busoni que j'ai l'honneur de parler ?» demanda le visiteur. « Oui, monsieur, » répondit l'abbé. « Et vous êtes la personne que M. de Beauville, ancien intendant des prisons, m'envoie de la part de M. le préfet de police ?»« Justement, monsieur. » « Un des agents préposés à la Sûreté de Paris ?»« Oui, monsieur, » répondit l'étranger, avec une espèce d'hésitation, et surtout un peu de rougeur. L'abbé rajusta les grandes lunettes qui lui couvraient non seulement les yeux, mais encore les tempes, et se rasseyant, fit signe au visiteur de s'asseoir à son tour. « Je vous écoute, monsieur, » dit l'abbé avec un accent italien des plus prononcés. « La mission dont je me suis chargé, monsieur, » reprit le visiteur en pesant chacune de ses paroles, comme si elles avaient peine à sortir, « est une mission de confiance pour celui qui l'a remplie et pour celui près duquel on l'a remplie. » L'abbé s'inclina. « Oui, » reprit l'étranger, « votre probité, monsieur l'abbé, est si connue de monsieur le préfet de police, qu'il veut savoir de vous, comme magistrat, une chose qui intéresse cette sûreté publique au nom de laquelle je vous suis député. Nous espérons donc, monsieur l'abbé, qu'il n'y aura ni lien d'amitié ni considération humaine qui puisse vous engager à déguiser la vérité à la justice. Pourvu, monsieur, que les choses qu'il vous importe de savoir ne touchent en rien aux scrupules de ma conscience, je suis prête, monsieur, et les secrets de la confession, par exemple, doivent rester entre moi et la justice de Dieu, et non entre moi et la justice humaine. « Oh, soyez tranquille, monsieur l'abbé, » dit l'étranger. « Dans tous les cas, nous mettrons votre conscience à couvert. » À ces mots, l'abbé, en pesant de son côté sur l'abat-jour, leva ce même abat-jour du côté opposé, de sorte que, tout en éclairant en plein le visage de l'étranger, le sien restait toujours dans l'ombre. « Pardon, monsieur l'abbé, » dit l'envoyé de monsieur le préfet de police, « mais cette lumière me fatigue horriblement la vue. » L'abbé baissa le carton vert. « Maintenant, monsieur, je vous écoute. Parlez. J'arrive au fait. Vous connaissez monsieur le comte de Monte-Cristo. Vous voulez parler de monsieur Zaccone, je présume. Zaccone, ne s'appelle-t-il donc pas Monte-Cristo ? Monte-Cristo est un nom de terre, ou plutôt un nom de rocher, non pas un nom de famille. Eh bien, soit, ne discutons pas sur les mots, puisque monsieur de Monte-Cristo et monsieur Zaccone, c'est le même homme. Absolument le même. « Parlons de M. Zaccone. »« Soit. »« Je vous demandais si vous le connaissiez. »« Beaucoup. »« Qu'est-il ? » ?»« C'est le fils d'un riche armateur de Malte. »« Oui, je le sais bien, c'est ce qu'on dit. »« Mais, comme vous le comprenez, la police ne peut pas se contenter d'un « on dit ».»« Cependant, » reprit l'abbé avec un sourire tout affable, « quand cet on-dit est la vérité, il faut bien que tout le monde s'en contente et que la police fasse comme tout le monde. »« Mais vous êtes sûr de ce que vous dites ?»« Comment ? Si j'en suis sûr ?»« Remarquez, monsieur, que je ne suspecte en aucune façon votre bonne foi. Je vous dis, êtes-vous sûr ?»« Écoutez, j'ai connu M. Zaccone, le père. »« Ah ? Oui. Et tout enfant, j'ai joué 10 fois avec son fils dans leur chantier de construction. » Mais cependant, ce titre de comte, vous savez, cela s'achète. En Italie, partout. Mais ces richesses qui sont immenses, à ce qu'on dit toujours. Oh, quant à cela, répondit l'abbé, immense, c'est le mot. Combien croyez-vous qu'il possède, vous qui le connaissez? Oh, il a bien 150 à 200 000 livres de rente. Ah, vous voilà qui est raisonnable, dit le visiteur. mais on parle de 3, de 4 millions. 200 000 livres de rente, monsieur, font juste 4 millions de capital. Mais on parlait de 3 à 4 millions de rente. Oh, cela n'est pas croyable. Et vous connaissez son île de Monte Cristo? Certainement. Tout homme qui est venu de Palerme, de Naples ou de Rome en France, par mer, la connaît puisqu'il est passé à côté d'elle et l'a vue en passant. C'est un séjour enchanteur, à ce qu'on en assure. C'est un rocher. Et pourquoi donc le comte a-t-il acheté un rocher? Justement pour être comte. En Italie, pour être comte, on a encore besoin d'un comté. Vous avez sans doute entendu parler des aventures de jeunesse de M. Zaccone. Le père? Non, le fils. Ah! Voici où commencent mes incertitudes, car voici où j'ai perdu mon jeune camarade de vue. Il a fait la guerre? Je crois qu'il a servi. Dans quelle arme? Dans la marine. Voyons, vous n'êtes pas son confesseur? Non, monsieur. Je le crois luthérien. Comment luthérien? Je dis que je crois. Je n'affirme pas. D'ailleurs, je croyais à la liberté des cultes établis en France. Sans doute. Aussi n'est-ce point de ces croyances que nous nous occupons en ce moment. C'est de ces actions. Au nom de monsieur le préfet de police, je vous somme de dire ce que vous savez. Il passe pour un homme fort charitable. Notre Saint-Père le Pape l'a fait chevalier du Christ, faveur qu'il n'accorde guère qu'au prince, pour les services éminents qu'il a rendus aux chrétiens d'Orient. Il a 5 ou 6 grands cordons conquis par des services rendus ainsi aux princes ou aux états. Et il les porte? Non, mais il en est fier. Il dit qu'il aime mieux les récompenses accordées aux bienfaiteurs de l'humanité que celles accordées aux destructeurs des hommes. C'est donc un quaker que cet homme-là. Justement, c'est un quaker. Moins le grand chapeau et l'habit marron, bien entendu. Lui connaît-on des amis? Oui, car il a pour amis tous ceux qui le connaissent. Mais enfin, il a bien quelque ennemi. Un seul. Comment le nommez-vous? Lord Wilmore. Où est-il? À Paris, dans ce moment même. Et il peut me donner des renseignements? Précieux. Il était dans l'Inde, en même temps que Zaccone. Savez-vous où il demeure? Quelque part dans la chaussée d'Antin, mais j'ignore la rue et le numéro. Vous êtes mal avec cet Anglais? J'aime Zaccone et lui le déteste. Nous sommes en froid à cause de cela. Monsieur l'abbé, pensez-vous que le comte de Monte Cristo soit jamais venu en France avant le voyage qu'il vient de faire à Paris? Pour cela, je puis vous répondre pertinemment. Non, monsieur, il n'y est jamais venu puisqu'il s'est adressé à moi il y a 6 mois pour avoir les renseignements qu'il désirait. De mon côté, comme j'ignorais à quelle époque je serais moi-même de retour à Paris, je lui adressai Monsieur Cavalcanti. Andrea? Non. Bartolomeo? Le père. Très bien, monsieur. Je n'ai plus à vous demander qu'une chose et je vous somme, au nom de l'honneur, de l'humanité et de la religion, de me répondre sans détour. Dites, monsieur. Savez-vous dans quel but Monsieur le comte de Monte Cristo a acheté une maison à Auteuil? Certainement, car il me l'a dit. Dans quel but, monsieur? Dans celui d'en faire un hospice d'aliénés dans le genre de celui fondé par le baron de Pisani à Palerme. Connaissez-vous cet hospice? De réputation, oui, monsieur. C'est une institution magnifique. Et là-dessus, l'abbé salua l'étranger en homme qui désire faire comprendre qu'il ne serait pas fâché de se remettre au travail interrompu. Le visiteur, soit qu'il comprît le désir de l'abbé, soit qu'il fût au bout de ses questions, se leva à son tour. L'abbé le reconduisit jusqu'à la porte. « Vous faites de riches aumônes, » dit le visiteur, « et quoi qu'on vous dise de riche, j'oserais vous offrir quelque chose pour vos pauvres. De votre côté, daigneriez-vous accepter mon offrande ?»« Merci, monsieur, il n'y a qu'une seule chose dont je sois jaloux au monde, c'est que le bien que je fais vienne de moi. Mais cependant, c'est une résolution invariable. Mais cherchez, monsieur, et vous trouverez. Hélas, sur le chemin de chaque homme riche, il y a bien des misères à coudoyer. » L'abbé salua une dernière fois en ouvrant la porte. L'étranger salua à son tour et sortit. La voiture le conduisit droit chez Monsieur de Villefort. Une heure après, la voiture sortit de nouveau et cette fois se dirigea vers la rue Fontaine-Saint-Georges. Au numéro 5, elle s'arrêta. c'était là que demeurait Lord Winmore. L'étranger avait écrit à Lord Winmore pour lui demander un rendez-vous que celui-ci avait fixé à 10 heures. Aussi, comme l'envoyé de monsieur le préfet de police arriva à 10h-10 minutes, lui fut-il répondu que Lord Winmore, qui était l'exactitude et la ponctualité en personne, n'était pas encore rentré, mais qu'il rentrerait pour sûr à 10h sonnantes. Le visiteur attendit dans le salon. Ce salon n'avait rien de remarquable et était comme tous les salons d'hôtel garni. Une cheminée avec 2 vases de Sèvres modernes, une pendule avec un amour tendant son arc, une glace en 2 morceaux. De chaque côté de cette glace, une gravure représentant l'une Homer portant son guide, l'autre Bélisaire demandant l'aumône. Un papier gris sur gris, un meuble en drap rouge imprimé de noir, tel était le salon de Lord Winmore. Il était éclairé par des globes de verre dépolis qui ne répandaient qu'une faible lumière, laquelle semblait ménagée exprès pour les yeux fatigués de l'envoyé de monsieur le préfet de police. Au bout de 10 minutes d'attente, la pendule sonna 10 heures. Au 5e coup, la porte s'ouvrit, et Lord Winmore parut. Lord Winmore était un homme plutôt grand que petit, avec des favoris rares, ses roux. Le teint blanc et les cheveux blonds grisonnants. Il était vêtu avec toute l'excentricité anglaise, c'est-à-dire qu'il portait un habit bleu à boutons d'or et haut collet piqué comme on les portait en 1811, un gilet de casimir blanc et un pantalon de nankin de 3 pouces trop court, mais que des sous-pieds de même étoffe empêchaient de remonter jusqu'au genou. Son premier mot en entrant fut « Vous savez, monsieur, que je ne parle pas français. Je sais du moins que vous n'aimez pas à parler notre langue, » répondit l'envoyé de monsieur le préfet de police. « Mais vous pouvez la parler, vous, » reprit Lord Winmore, « car si je ne la parle pas, je la comprends. » « Et moi, » reprit le visiteur, en changeant d'idiome, « je parle assez facilement l'anglais pour soutenir la conversation dans cette langue. Ne vous gênez donc pas, monsieur. »« Ah oh !» fit Lord Winmore avec cette intonation qui n'appartient qu'aux naturels les plus purs de la Grande-Bretagne. L'envoyé du préfet de police présenta à Lord Winmore sa lettre d'introduction. Celui-ci la lut avec un flegme tout anglican. Puis, lorsqu'il eut terminé sa lecture, « Je comprends, » dit-il en anglais, « je comprends très bien. » Alors, commencèrent les interrogations. Elles furent à peu près les mêmes que celles qui avaient été adressées à l'abbé Busoni. Et comme Lord Winmore, en sa qualité d'ennemi du comte de Monte-Cristo, n'y mettait pas la même retenue que l'abbé, elles furent beaucoup plus étendues. Il raconta la jeunesse de Monte-Cristo, qui, selon lui, était, à l'âge de 10 ans, entré au service d'un de ces petits souverains de l'Inde qui font la guerre aux Anglais. C'est là qu'il avait, lui, Winmore, rencontré pour la première fois et qu'ils avaient combattu l'un contre l'autre. Dans cette guerre, Zakon avait été fait prisonnier, avait été envoyé en Angleterre, mis sur les pontons dont il s'était enfui à la nage. Alors avaient commencé ses voyages, ses duels, ses passions. Alors était arrivée l'insurrection de Grèce, il avait servi dans les rangs des Grecs. Tandis qu'il était à leur service, il avait découvert une mine d'argent dans les montagnes de la Thessalie, mais il s'était bien gardé de parler de cette découverte à personne. Après Navarin et lorsque le gouvernement grec fut consolidé, il demanda au roi Othon un privilège d'exploitation pour cette mine. Ce privilège lui fut accordé. De là cette fortune immense qui pouvait, selon Lord Winmore, monter à 1 ou 2 millions de revenus, fortune qui, néanmoins, pouvait tarir tout à coup si la mine elle-même tarissait. « Mais, demanda le visiteur, savez-vous pourquoi il est venu en France ?»« Il veut spéculer sur les chemins de fer, » dit Lord Winmore. Et puis, comme il est chimiste, habile et physicien non moins distingué, il a découvert un nouveau télégraphe dont il poursuit l'application. « Combien dépense-t-il à peu près par an ?» demanda l'envoyé de monsieur le préfet de police. « Oh, 500 000 francs tout au plus, » dit Lord Winmore. « Il est avare. » Il était évident que la haine faisait parler l'anglais et que, ne sachant quelle chose reprocher au comte, il lui reprochait son avarice. « Savez-vous quelque chose de sa maison d'Auteuil ?»« Oui, certainement. »« Eh bien, Qu'en savez-vous? Vous demandez dans quel but il l'a acheté? Oui. Eh bien, le comte est un spéculateur qui se ruinera certainement en essai, en utopie. Il prétend qu'il y a à Auteuil, dans les environs de la maison qu'il vient d'acquérir, un courant d'eau minérale qui peut rivaliser avec les eaux de Bagnères, de Luchon et de Cotteret. Il veut faire de son acquisition un Badhaus, comme disent les Allemands. Il a déjà deux ou trois fois retourné tout son jardin pour retrouver le fameux cours d'eau, et comme il n'a pas pu le découvrir, vous allez le voir, d'ici à peu de temps, acheter les maisons qui environnent la sienne. Or, comme je lui en veux, j'espère que dans son chemin de fer, dans son télégraphe électrique ou dans son exploitation de bain, il va se ruiner. Je le suis pour jouir de sa déconfiture, qui ne peut manquer d'arriver un jour ou l'autre. « Et pourquoi lui en voulez-vous ? » demanda le visiteur. « Je lui en veux, » répondit Lord Winmore, « parce qu'en passant dans le notaire, il a séduit la femme d'un de mes amis. » « Mais si vous lui en voulez, pourquoi ne cherchez-vous pas à vous venger de lui ?»« Je me suis déjà battu trois fois avec le comte, » dit l'anglais. « La première fois au pistolet, la seconde à l'épée, la troisième à l'espadon. » Et le résultat de ces duels a été? La première fois, il m'a cassé le bras. La seconde, il m'a traversé le poumon. Et la troisième, il m'a fait cette blessure. L'anglais abattit un col de chemise qui lui montait jusqu'aux oreilles et montra une cicatrice dont la rougeur indiquait la date peu ancienne. De sorte que je lui en veux beaucoup, répéta l'anglais, et qu'il ne mourra bien sûr que de ma main. Mais, dit l'envoyé de la préfecture, « vous ne prenez pas le chemin de le tuer, ce me semble. »« Oh !» fit l'anglais. « Tous les jours, je vais au tir, et tous les deux jours, Grisy vient chez moi. » C'était ce que voulait savoir le visiteur, ou plutôt, c'était tout ce que paraissait savoir l'anglais. L'agent se leva donc, et après avoir salué Lord Winmore, qui lui répondit avec la raideur et la politesse anglaise, il se retira. De son côté, Lord Winmore, après avoir entendu se refermer sur lui la porte de la rue, rentra dans sa chambre à coucher, où, en un tour de main, il perdit ses cheveux blonds, ses favoris roux, sa fausse mâchoire et sa cicatrice pour retrouver les cheveux noirs, le teint mat et les dents de perles du comte de Monte-Cristo. Il est vrai que, de son côté, ce fut Monsieur de Villefort et non l'envoyé de Monsieur le préfet de police qui rentra chez M. de Villefort. Le procureur du roi était un peu tranquillisé par cette double visite, qui au reste ne lui avait rien appris de rassurant, mais qui ne lui avait rien appris non plus d'inquiétant. Il en résulta que, pour la première fois depuis le dîner d'Auteuil, il dormit la nuit suivante avec quelque tranquillité.